La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831 poste. Le tout nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir les réputés produits Mastercraft. Ingénieux, solides, efficaces, toujours offerts à d'excellents prix. Allez voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac, distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini et souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes. On va parler avec la chronique du soccer de Dolbeau-Mistassini, une présentation du magazine Canadian Tire, donc sur le boulevard Vézina. Vous pouvez rejoindre Canadian Tire au 418-276-2385. On parle avec Justine Girard. Salut Justine! Salut! Justine, comment nos équipes se sont comportées cette semaine au soccer à Dolbeau-Mistassini? Ça s'est bien passé. La majorité des équipes qui ont joué ont bien performé. OK. Le 8-2, la deuxième équipe de 8, il y a eux autres qui ont eu une défaite de 9-4 contre Oberval 2. OK. Mais le U10A, eux autres, depuis le début de la saison, ça allait plus ou moins bien. Mais là, ils sont en remontant la colline. Là, ils ont une égalité 3-3 contre Saint-Prime. Fait que tranquillement, pas vite, ils remontent la pente. Puis ça va de mieux en mieux pour cette équipe-là. OK. Ensuite, pour le U12, il y a eux autres qui ont égalisé 2-2 contre la meilleure équipe du classement, qui est Métabetchouane. Fait que c'est une grosse égalité. C'est un bon match qu'ils ont joué. OK. Après ça, le U13. Le U16 féminin, elles autres, ils ont perdu contre Robert Ball lundi. OK. Ensuite? Ensuite, le U16 masculin, ils ont égalisé 5-5 contre Saint-Prime. C'était vraiment un beau match, là. Le U16 masculin a vraiment très bien joué. Puis, pour ce qui est du senior, le senior a gagné 3-2 contre Chupini. Je pense que c'est OK. Au classement, les équipes dans l'ensemble, ça va bien? C'est quoi, juste? Pas mal toutes les équipes, là, ils se classent pas mal toutes deux ou troisième au classement. OK. Donc, ça va quand même assez bien. La fête du soccer, la semaine passée, il y a plu. Comment ça s'est passé? Malgré le mauvais temps, parce que là, il a mouillé un petit peu, il y a eu des orages, fait qu'il a fallu rentrer dans la salle des cœurs vaillants. Mais malgré ça, la majorité des jeunes étaient là. On a eu une très belle fête. Puis c'était vraiment là quelque chose à répéter pour les prochaines années. C'était pas la première fois qu'on le faisait, là. Ben oui. Puis c'était vraiment le fun. OK. Ben c'est une belle fête familiale, et ainsi de suite. Ben Justine, ça fait le tour pas mal pour cette semaine? Oui. Oui, voilà. Donc c'était une commandite du magasin Canadian Tire, secteur de Dolbeau.